les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Connaissez-vous Robert Desnos ? Connaît-on Robert Desnos ? Oui, sans doute, comme tout le monde, ou un peu plus, voire beaucoup plus. Mais peut-on le connaître tout à fait, tant il y eut de Desnos qui n'en faisait qu'un ? Desnos poète, Desnos surréaliste, mais aussi journaliste, critique, écrivant sur la peinture, le cinéma, la musique, Desnos chansonnier, musicien, publicitaire, homme de radio, dessinateur. Desnos antifasciste et résistant. Robert le Diable, né avec le siècle, déporté, qui partit du camp de Royallieu à Compiègne, avant de mourir à Theresienstadt en 1945. Desnos, une existence libre et passionnée que tentait de contenir en plus de 1000 pages, la biographie que lui consacrait en 2007 Anne Heger. À l'occasion de cette parution, avec Pierre Lartigue et Marie-Claire Dumas, elle était des invitées de Mathieu Bénézé dans Surpris par la nuit pour une passionnante évocation de Robert Desnos. Des entretiens savamment mêlés aux poèmes de Desnos, à la voix du poète, à ses chansons, ses émissions de radio, différentes archives et témoignages, comme celui de Dominique de Santi, auteur en 1999 de Robert Desnos, le roman d'une vie. Surpris par la nuit, reconnaissance à Robert Desnos, une émission diffusée la première fois, le 7 septembre 2007, sur France Culture. Robert, dis-tiens, on va faire une chanson tous les deux qui va s'appeler « La souris du gigot ». Cette chanson existe-t-elle encore aujourd'hui ? Non, il a improvisé les paroles, il y avait 3 couplets et 3 refrains, j'en ai fait la musique, ça a été perdu, malheureusement, comme beaucoup d'autres choses. Puis-je vous demander, Henri Cliquet-Pleyel, d'interpréter, ou d'essayer d'interpréter vous-même, une des chants de fables de Robert ? Notre ami Georges Junier a écrit un poème autrefois où il disait « Voilà mon ami Cliquet-Pleyel et sa voix de chèvre ». Alors avec ma voix de chèvre, j'ai essayé de vous chanter l'escargot. Est-ce que le temps est beau ? Se demandait l'escargot. Car pour moi, s'il faisait beau, c'est qu'il ferait vilain temps. J'aime qu'il tombe de l'eau. Voilà mon tempérament. Combien de gens et sans coquille n'aiment pas que le soleil brille. Il est caché, il reviendra. L'escargot, on le mangera. Surpris par la nuit, reconnaissance à Robert Desnos par Mathieu Bénézé. Réalisation Anne Franchini. À propos de la publication de la biographie de Anne Heger, Robert Desnos, né à Paris le 4 juillet 1900, mort en déportation en Tchécoslovaquie le 8 juillet 1945. Une mort précoce, c'est donc une œuvre tronquée. Le mot « destin » que j'emploie souvent pour cette émission trouve dramatiquement, à propos de Robert Desnos, tout son sens. Je n'en dirai pas davantage si ce n'est que Robert Desnos aimait à rêver parmi ses chats, fidèle à ses impulsions sentimentales, d'une époque triste, heureuse, qui illustre les chansons d'Yvonne Georges, dont il fut un turiféraire. Le reste, ne nous regardons pas. Mais le jazz aussi, le requis, le bal nègre. Fraternité, engagement, amour sont ses mots, sans oublier sa complainte de Fantomas qu'il composa pour la radiodiffusion. Desnos fut un homme de radio. Je tiens à rendre hommage à Alain Truta. C'est lui qui sut recueillir la voix de Robert Desnos. Alain, je te dédie de façon post-mortem cette émission. Je voudrais vous faire entendre un très court extrait d'une émission qui a été réalisée avant la guerre par mon ami Robert Desnos, dont Jean Tardieu parlait tout à l'heure, mort, comme vous le savez, en déportation, et qui fut l'un des premiers à avoir compris le merveilleux instrument que pouvait être la radio entre les mains des poètes. et son extraordinaire pouvoir de suggestion. Il s'est efforcé de le prouver d'ailleurs de 100 manières, de Fantômas à la clé des songes dont se souviennent comme deux classiques les anciens de la radio. L'extrait que vous allez entendre s'appelle « Essai d'anesthésie ». Et Desnos, dans ce petit enregistrement, où ses amis ne reconnaîtront pas sans émotion la voix du poète, s'est forcé de placer l'auditeur dans l'état psychique du malade, en cours d'anesthésie, de le faire passer progressivement par les mêmes sensations de griserie, de vertige, d'inhibition, jusqu'à l'inconscient. Tu ne souffriras pas. Tu ne souffriras pas. Tu ne souffriras pas. Tu ne souffriras pas. Tu ne souffriras pas. Tu ne souffriras pas. Tu ne souffriras pas. Tu ne souffriras pas. Tu ne souffriras pas. Je suis transformé en chiffre. Je tombe dans un puits, qui est en même temps une feuille de papier. En passant d'une équation à une autre, avec le désespoir de m'éloigner de plus en plus de la lumière du jour, et d'un paysage qui est le château de Ferrières, Seine-et-Marne, vu de la voie du chemin de fer de l'Est. Ce rêve, daté de 1916, est un prélude à ceux qu'il écrira plus tard, endormi dans l'atelier d'André Breton. Desnos ne cessa jamais de croire à ses rêves, de les noter minutieusement, d'en publier certains, voire de les enregistrer lui-même sur disque, comme celui que nous allons maintenant écouter, seul vestige d'une voix qui s'est tue. Je me trouve tout d'un coup dans un pays étrange où le vent souffle avec violence. S'écria d'un capitaine. Nous étions toute une bande qui marchions en chantant. Marjolaine, qu'avez-vous la belle digue digue, la belle digue don. Marjolaine, qu'avez-vous donc la belle digue digue, la belle digue don. Les autres allaient très vite. Moi, je ne pouvais pas arriver à les suivre, malgré mes efforts. Attendez-moi, attendez-moi. Marjolaine, qu'avez-vous donc la belle. Soudain. Devant nous, il y avait... Mais qu'est-ce que c'est que ces saletés, des hippopotames? Oui, des hippopotames, tout là. Oh, ça leur s'est inouï. Ils se mettent tous à fuir. Moi, je ne pouvais plus bouger mes jambes. Et tout à coup... J'étais en train de marcher sur Max Rémier qui était allongé par terre et qui était long de 30 mètres et couvert de taches comme un corps de girafe. Les deux hippopotames se précipitèrent sur nous et, au moment où ils allaient nous écraser, je vis derrière mon arbre un défilé surprenant. Toutes les bêtes sauvages du monde. Une vraie ménagerie. Mais à ce moment-là, une tempête s'éleva. Le vent, la pluie, l'orage faisaient fuir les bêtes sauvages. Était devenue une tempête de musique. La forêt était devenue une salle de concert. On applaudissait, et pourtant il n'y avait personne dans la salle. Les applaudissements devenaient assourdissants. On aurait dit une fusillade. Au secours! Au secours! Au secours! Entrez là, vous serez à l'abri. Entrez là. Mais entrez donc! C'était l'ouvreuse de la salle de concert qui me poussait dans une loge capitonnée. La loge était un abri bétonné où se retrouvaient tous les spectateurs, tassés comme des sardines. Au-dessus de nous, la salle s'effondrait. La fusillade continuait. Dans l'abri, tout le monde se plaignait d'étouffer. Au secours! De l'air! À moi! Retour! Retour! Moi-même, j'allais étouffer quand je me suis réveillé haletant, mon oreiller par-dessus ma tête. Quartier Saint-Merry. Au coin de la rue de la Verrerie et de la rue Saint-Martin, il y a un marchand de mélasse. Un jour d'avril, sur le trottoir, un quart d'heure de matelas glissa, tomba, éventra l'oreiller qu'il portait. Cela fit voler des plumes plus haut que le clocher de Saint-Merry. Quelques-unes se collèrent au baril de mélasse. Je suis repassée un soir par là, un soir d'avril. Un ivrogne dormait dans le ruisseau. La même fenêtre était éclairée. Du côté de la rue des juges consuls, chantaient des gamins. Là, devant cette porte, je m'arrête. C'est de là qu'elle partit. Sa mère, échevelée, hurlait à la fenêtre. 13 ans à peine vêtue, des yeux flambant sous des cils noirs, les membres grêles. En vain le père se leva-t-il et vint à pas pesant, traînant ses savates. Attesté de son malheur, le ciel pluvieux, en vain elle courait à travers les rues. Elle s'arrêta un instant rue des Lombards, à l'endroit exact où, par la suite, passa le joueur de flûte d'Apollinaire. Du cloître Saint-Merry naissaient des rumeurs. Le sang coulait dans les ruisseaux, prémisse du printemps et des futures lunaisons. L'horloge de la Gerbe d'Or répondait aux autres horloges, au bruit des attelages roulant vers les halles. La fillette à demi nue rencontra un pharmacien qui baissait sa devanture de fer. Les lueurs jaunes et vertes des globes brillaient dans ses yeux, les moustaches humides pendaient. « Que fais-tu la gosse à cette heure dans la rue ?» Il est minuit, va te coucher. Dans mon jeune temps, j'aimais traîner la nuit. J'aimais rêver sur des livres, la nuit. Où sont les nuits de mon jeune temps? Le travail et l'effort de vivre m'ont rendu le sommeil délicieux. C'est d'un autre amour que j'aime la nuit. Un peu plus loin, au long d'un pont, un régiment passait, pesamment. Mais la petite fille écoutait le pharmacien. Liabeuf ou son fantôme maudissait les menteurs du côté de la rue Aubry-le-Boucher. Va te coucher, petite, les horloges sonnent minuit, ce n'est ni l'heure ni l'âge de courir les rues. L'eau clapotait contre un ponton, 3 vieillards parlaient sous le pont, l'un disait oui et l'autre non. Oui, le temps est court, non, le temps est long, le temps n'existe pas, dit le troisième. Alors parut la petite fille. En sifflotant, le pharmacien s'éloignait dans la rue Saint-Martin et son ombre grandissait. « Bonjour, petite, » dit l'un des vieux. « Bonsoir, » dirent les deux autres. « Vous sentez mauvais, » dit la petite. Le régiment s'éloignait dans la rue Saint-Jacques. Une femme criait sur le quai. Sur la berge, un oiseau blessé sautillait. « Vous sentez mauvais, » dit la petite. « Nous sentirons tous mauvais, » dit le premier vieillard, « quand nous serons morts. » « Vous êtes mort déjà, » dit la petite, « puisque vous sentez mauvais. Moi seule ne mourrai jamais. » On entendit un bruit de vitres brisées. Presque aussitôt retentit la trompe grave des pompiers. Des lueurs se reflétaient dans la Seine. On entendit courir des hommes, puis ce fut le bruit de la foule. Les pompes rythmaient la nuit. Des rires se mêlaient aux cris. Un manège de chevaux de bois se mit à fonctionner. Chevaux de bois ou cochons dorés, oubliés sur le parvis, depuis la dernière fête. Charlemagne rougeoyait. Impassible, les heures sonnaient. Un malade agonisait à l'Hôtel-Dieu. L'ombre du pharmacien qui s'éloignait vers Saint-Martin-des-Champs, épaississait la nuit. Les soldats chantaient déjà sur la route, des paysans, pour les voir, collaient aux fenêtres leurs faces grises. La petite fille remontait l'escalier qui mène de la berge au quai. Une péniche fantôme passait sous le pont. Les trois vieillards se préparaient à dormir, dans les courants d'air au bruit de l'eau. L'incendie éventrait ses dernières barriques. Père Lartigue, Néguère, je vais vous demander à tous les deux une question un peu banale, hein, mais quelle est votre vision de Robert Desnos ? À Néguère, vous avez écrit une biographie de Robert Desnos, impressionnante. Pierre Lartigue, vous avez écrit des articles, vous avez encore écrit Ross et la vie, etc. Je veux dire, pourquoi ? Pour moi, Desnos, c'est d'abord et avant tout un personnage revigorant. Quelqu'un qu'on a envie de fréquenter et qu'on aurait envie de fréquenter, qu'on aurait envie de connaître, on aurait envie d'être son ami. C'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à défendre des causes justes, la liberté, l'amour, les deux. Et c'était un type généreux. Je pense que c'est ça qui m'a plu chez lui. Juste et généreux. L'écrivain. Et aussi, c'est quelqu'un qui a papillonné dans l'écriture et qui a évolué. Et ça, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il détruise un peu la poésie et qu'il la reconstruise à sa façon. Harper Lartigue, là-dessus Oui, je souscris tout à fait à ce que dit Anne Guerre et sur le personnage lui-même, sur l'homme, et sur le travail poétique. On a effectivement, avec Robert Desnos, ce sentiment d'entrer dans une sorte de familiarité humaine. Oui. On est touché par quelqu'un qui est d'une grande sensibilité et qui a une sorte de spontanéité dans sa démarche, une vivacité continuelle, ce qui n'exclut pas du tout des engagements profonds, puisqu'on sait que ça l'amènera jusqu'à la tragédie finale. Et puis, alors sur le plan poétique, mon admiration est vraiment très profonde. Nous sommes, semble-t-il, en face d'une œuvre qui prend chaque jour davantage d'importance au regard des lecteurs. Desnos semblait, en 45, lorsqu'il est mort, peut-être un poète de second plan du surréalisme. Et nous le retrouvons aujourd'hui, je pense, au tout premier plan. En cela, peut-être faut-il le rapprocher d'un autre écrivain qui lui était cher, je pense à Gérard de Nerval. Et il se passe pour Desnos ce qui s'est passé pour Nerval, n'est-ce pas ? Nerval a été considéré tout de suite comme un être léger, une sorte de petit farfadet, et puis peu après, il a été de plus en plus considéré jusqu'à ce que... Ses contemporains ont quand même considéré Gérard de Nerval pour un poète important, non ? Comme un poète important, mais relisons ce qu'a dit de lui Alexandre Dumas, il y a quand même une sous-estimation de Nerval à cette époque-là, qui est bien naturelle d'ailleurs, car les œuvres aussi complexes et aussi profondes et aussi dérangeantes mettent beaucoup de temps à revenir à la surface. Et c'est avec le XXe siècle, c'est avec Proust, c'est avec Giraudoux que Nerval est réévalué et lu avec de plus en plus d'attention, et on s'aperçoit que c'est une œuvre considérable. Eh bien, j'ai tout à fait ce sentiment avec celle de Robert Desnos, qui, comme disait Anne Guerre, c'est qui a su déconstruire la poésie et la reconstruire. Et en cela, c'est un travail exemplaire. Oui, je suis d'accord avec vous. Complètement. Oui. Mais c'est vrai que j'ai pas, comment dire, une approche littéraire. On va dire que j'ai d'abord une approche de l'homme avant d'une approche littéraire. Moi, j'ai connu Desnos par le dessin. Oui. Je suis entrée dans son œuvre par ses dessins médiumniques, ses dessins automatiques qu'il a fait pendant sa période surréaliste. Et on retrouve, c'était un univers déjà fabuleux, visuellement fabuleux. Et ses dessins sont très fouillés, et on retrouve après toute sa poésie dans le dessin. Et c'est comme ça que je suis entrée dans la poésie. Et c'est vrai que j'ai eu du mal, parce qu'on parle beaucoup de Desnos et de sa poésie surréaliste, beaucoup plus que le reste. Et on va dire que les gens connaissent peut-être mieux aussi ces récits comme La liberté ou l'amour, ou Nouvelles Hébrides, etc. Alors que la poésie des années 40 est encore à découvrir, enfin à faire découvrir. L'approche par les œuvres telles que le dessin, le cinéma, toutes ces entrées possibles chez Desnos sont tout à fait légitimes. La radio, bien sûr, avec cette participation à l'époque très vivante, très neuve à la publicité, qui était très drôle, et cette chose-là qui est devenue si peu drôle aujourd'hui. À Boldo Florine. Oui. Et le Lustucru, bien d'autres. Quel était Pierre Artigue ou Honegger, les slogans? Il y a eu la Marie Rousse, La mort parfumée des poux, qui était adorable, avec des. Mais Desnos à la radio, c'est aussi avant tout, c'est pas seulement la publicité, etc., c'est la musique. Et là, j'ai redécouvert en écrivant ce livre que toute l'importance de la musique dans l'œuvre de Desnos. À la fois à la radio, mais aussi dans sa poésie, il y a un rythme qui est très proche de la musique. Et dans sa vie, la musique est partout. Il a des amis compositeurs, il écrit des chansons. Il aurait peut-être été. Il avait envie aussi. Il a écrit des cantates, mais il voulait aussi écrire des opéras. Certainement. Hein. C'est lui qui revient de Cuba avec la rumba dans sa valise, en disque, qu'Alejo Carpentier lui avait fait découvrir. L'importance de la chanson pour lui est très grande, puisque, et cela comme chez Nerval, qui se réfère aux chansons populaires, pas simplement par le goût de la chanson en elle-même, mais parce que, dit Nerval, la pratique de la chanson permet d'assouplir la langue et de rompre les rythmes dans lesquels était embarrassée la poésie classique, ou la poésie plutôt du XVIIIe siècle, qui était un classicisme desséché. C'est le même problème qui se pose pour Robert Desnos. Et comme vous avez dit, cela pour aboutir au chant, et au chant le plus savant. Si vous voulez, quand même, vous avez parlé de, à juste titre, de cette importance des poèmes de 1940, des poèmes écrits pendant la guerre. Je voudrais vous lire les deux strophes d'un long poème qui, à mon avis, n'a peut-être pas été assez mis en avant, qui me semble tout à fait formidable. Ce poème est Calixto, n'est-ce pas? C'est un poème, je crois avoir trouvé, d'ailleurs, peut-être la source accidentelle de la relation avec Calixto, allant me promener dans la forêt de Compiègne, que je connais bien, n'est-ce pas? Vous avez les carrefours des muses, des vestales, des amoureux, des éleas, l'étoile de la reine, et je suis tombé sur, tout près de l'auberge de Vaudrampont, sur le carrefour de Calixto. Bon, c'est un petit hasard, mais voici les deux premières strophes de Calixto. À s'endormir à la légère, au bruit des sources sous le ciel, rêvant au rythme planétaire, on plonge gisant dans la terre, et si jamais rêve au réel révéla secret ou mystère, c'est en dormant au bruit des eaux et du vent fermant ses ciseaux. à s'endormir à la légère sur la terre, dans quel fouillis terrien sombrez-vous? La fougère s'écroule en panier de lingère dans une armoire de taillis, brodée de soie où s'exagère la lumière hors du manteau de ta chair, nymphe Calixto. Encore. Ce sont des strophes tout à fait éblouissantes. Et si l'on veut essayer de se poser la question de savoir mais d'où cela vient-il ? Cela vient effectivement du chant, de la chanson avec la reprise des mots. Et cela vient aussi par la versification et la disposition des rimes dans la strophe de Luis de Góngora. Car Desnos est un des rares poètes, avant Verlaine avait lu Góngora, mais qui met en avant la poésie de Góngora en France. Et je crois que le grand désir qu'il avait, c'est-à-dire d'allier le délire à la maîtrise, se retrouve dans les grandes leçons du XVIe siècle, de l'art baroque espagnol, par exemple, avec le polyphème de Góngora, qui lui aussi se référait à la chanson populaire et écrivait des petites chansons. Hermana Marica, mañana que es fiesta. Hein? C'est une chanson populaire de Góngora. Eh bien, voilà des êtres qui, à travers des siècles bien distants, au fond, se retrouvent. Et peut-être là, cela nous pose une autre question qui, moi, me passionne. C'est que, vous savez, avant la guerre, Paul Valéry, lors d'une exposition d'art italien, avait, préfaçant cette exposition, affirmé qu'il y avait un critère qui permettait de savoir quelle était la bonne poésie et quelle était la moins bonne, c'était le temps. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de tamis naturel du temps et que, peu à peu, les grands poètes seuls surnageaient. Alors, je pense que moi, je suis tout à fait... Cette idée me paraît incomplète parce qu'il n'y a pas de tamis naturel du temps. Je pense qu'il y a une continuelle relecture de la poésie du passé. Il y a Morissette, par exemple, qu'on a redécouvert. Voilà. Hein? Par exemple, Morissette n'existait pas. Il n'a pas fallu compter sur le temps seulement. Il a fallu que Valéry Larbaud s'y mette un peu et d'autres. De même, la poésie de la Renaissance, nous savons très bien que Sainte-Beuve a fait une première relecture de la poésie de la Renaissance, hein, les poètes du XVIe siècle, qu'avant, au XVIIIe siècle, ils étaient tout à fait oubliés. Et Nerval, encore une fois, s'est mis de la partie puisqu'il est un de ceux qui s'attachent à cette poésie ancienne. Et alors, on débouche sur cette chose invraisemblable, c'est que Breton me semble également avoir tort lorsqu'il dit dans les années 44, la chansonnette est morte. Parce que ce n'est pas vrai. D'abord, la poésie de Desnos, ce n'est pas une poésie de chansonnette. Ce que je viens de lire est bien loin de la chansonnette. Et si merveilleuse soit l'écriture, la prose de Breton, je pense qu'il faut arrêter là les frais. Et la poésie d'André Breton, je la défends. Oui, oui, mais je ne l'attaque pas non plus. J'attaque simplement cette réflexion qui dit que ce n'est qu'en étant moderne que on écrira une poésie valable. Car Nerval, en écrivant ses sonnets, fait revivre une forme qui est une forme du passé. C'est-à-dire, pour être moderne, il écrit au fond les grands sonnets baroques que la France s'est toujours interdite d'écrire. Et nous voyons là que pour dire des choses qui tiennent à cœur à Desnos, il en passe par les vers de Góngora et la suite du poème de Calixto que, bien sûr, les auditeurs découvriront, n'est-ce pas, et connaissent sans doute beaucoup et les autres le découvriront. C'est un poème qui est terriblement engagé dans la France de 1942. Une guerre. J'ai justement dans ce, essayé de pister un petit peu cette relation à Gongora, j'ai pas la même prononciation, désolée, qu'il a découvert dans les années 20, 28, 27, 28, et qui n'était pas encore vraiment traduite en français de manière correcte à cette époque-là, mais il a tellement fréquenté aussi d'hispaniques et de sud-américains qui lui ont appris à connaître cette poésie. Et je pense que l'autre médiateur entre Desnos et Gongora, c'est Lorca, qui lui a refait, quand il a rencontré en 35, qui lui a, je pense, refait parler ou traduit, et la chanson, Lorca, la chanson, Gongora, Desnos était totalement ouvert à ces nouveaux discours. Tout à fait. Alors, vous avez raison pour Lorca. Il ne faut pas oublier qu'il a connu Lorca. Puis, au moment où la génération de 26 venait de 27, pardon, venait de fêter Gongora et de le mettre en valeur, avant. Bien en avant par rapport à la poésie. Et d'ailleurs, aussi bien le romancero gitano que le poema de Cante Rondo ou le poeta en Nueva York sont au fond des poésies où l'on retrouve les mêmes données que dans la poésie de Desnos. Et puis, il y a aussi l'époque où il a voulu écrire sur la poésie sud-américaine et cubaine avec Carpentier, et qui montre quand même une certaine, une énorme connaissance de tous ces milieux-là. Le brochet. Le brochet fait des projets. J'irai voir, dit-il, le Gange et le Nil, le Tage et le Tibre, et le Yangtze-Kiang. J'irai, je suis libre d'user de mon temps. Et la lune, iras-tu voir la lune? Brochet voyageur, brochet mauvais cœur, brochet de fortune. Couplet du verre de vin. Quand le train partira, n'agite pas la main, ni ton mouchoir, ni ton ombrelle, mais emplis un verre de vin et lance vers le train dont chantent les ridelles la longue flamme du vin, la sanglante flamme du vin, pareille à ta langue, et partageant avec elle le palais et la couche de tes lèvres et de ta bouche. J'ai pas su vivre, j'ai pas la manière, j'ai jamais eu de veine. Je me traîne et je sens bien que ça n'ira jamais. Je connais que la misère. Je suis seule sur la terre. Je l'ai pas fait exprès, non, mais j'ai pas su y faire. Quand j'avais 15 ans, j'en voyais tout le temps autour de moi qui était heureuse. Avec leur amour, elle me narguait souvent, et pourtant, j'étais pas envieuse. On ne m'a jamais dit de mots tendres, aucun homme n'a voulu me comprendre. Et quand je vois passer des couples enlacés, je me contente de leur chanter. J'ai pas su y faire, j'ai pas la manière, j'ai jamais eu de veine, je me traîne, et je sens bien que ça n'ira jamais. Je connais que la misère, je suis seule sur la terre, je l'ai pas fait exprès, non, mais j'ai pas su y faire. Plus tard j'ai connu un tas de parvenus qui jetaient au vent leur fortune. Moi j'avais pas le sou, on me chassait partout et mon cœur était plein de rancune. Car ces gens-là, ça vous méprise et ça se fiche des femmes dans la mouise. Mais j'ai ma fierté quand je les vois passer, je me contente de leur chanter. J'ai pas su y faire, j'ai pas la manière, j'ai jamais eu de veine, je sous ma traîne, et je sens bien que ça n'irait jamais. Je connais que la misère, je suis seul sur la terre. Je l'ai pas fait exprès, non, mais c'est pas si fait. Baignade. Où allez-vous avec vos tas de carottes? Où allez-vous, nom de Dieu, avec vos têtes de veau et vos cœurs à l'oseille? Où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons pisser dans les trèfles et cracher dans les sainfoins. Où allez-vous avec vos têtes de veau? Où allez-vous avec embarras? Le soleil est un peu liquide cette nuit. Où allez-vous, tête à l'oseille? Nous allons pisser dans les trèfles et cracher dans les sainfoins. Où allez-vous? Où allez-vous? À travers la boue et la nuit, nous allons cracher dans les trèfles et pisser dans les sainfoins. Avec nos airs d'andouille, avec nos becs de lièvre, nous allons pisser dans les trèfles. Arrêtez-vous, je vous rejoins. Je vous rattrape ventre à terre. Andouille vous-même, hé, mes copains. Je vais pisser dans les trèfles et cracher dans les sainfoins. Hé, pourquoi ne venez-vous pas? Je ne vais pas bien, je vais mieux. Cœur d'andouille et couille de lion, je vais pisser, pisser avec vous, dans les trèfles, et cracher dans les sainfoins. Baiser d'après minuit, vous sentez la rouille, vous sentez le fer, vous sentez l'homme, vous sentez la femme. Vous sentez encore maintes autres choses, le porte-plume mâché à 4 ans, quand on apprend à écrire, les cahiers neufs, les livres d'étrenne, tout dorés et peints d'un rouge, qui poissent et saignent au bout des doigts. Baiser d'après minuit, baignade dans les ruisseaux froids, comme un fil de rasoir. Marie-Claire Dumas, nous étions en train de dire, j'allais dire hors micro, que tous les auteurs sont inépuisables, c'est-à-dire que toutes les lectures qu'on peut faire, on se rend compte qu'on les connaît pas vraiment, etc. Etc., c'est peut-être pas le mot, disons... On ne les connaît pas, voilà. Alors Robert Desnos, vous avez préfacé ses œuvres, Quarto, Gallimard. Hein. Alors est-ce que vous le connaissez? Je le connais un peu, parce que je l'ai rencontré il y a longtemps, dans ses livres, au début des années 60. Et je me suis intéressée à son œuvre tout ce temps, de 60 jusqu'à 2000 au moins, de manière que j'ai tenté de rendre efficace, c'est-à-dire d'essayer de faire connaître cette œuvre, ce qui en avait été écrit par ce poète qui est quand même mort à moins de 45 ans, ce qui avait été écrit jusque-là et publié par lui, ainsi que tous ses projets qu'il avait accumulés mais qu'il n'a pas réalisés, la mort intervenant. Donc oui, je connais Desnos depuis longtemps, du moins j'ai une certaine image de lui, mais je me rends compte qu'avec le temps, et en rassemblant son œuvre, cette image de lui, pour moi, a évolué, a bougé. Qu'est-ce que vous voulez signifier? Je pense qu'au début, je m'intéressais d'abord au jeune trublion surréaliste, à celui qui mettait du désordre dans le langage, et puis un certain ordre aussi dans le langage, un ordre à lui. Et puis progressivement, tous les versants successifs de ses recherches me sont apparus, et avoir les uns et les autres, ces versants, de l'intérêt, et montrer que Desnos n'était pas simplement ce trublion de 20 ans, 22 ans, qui a apporté au surréalisme une espèce d'éblouissement, d'ébranlement, mais que... Les fameux sommeils, par exemple. La période des sommeils, oui. Vous pourriez en dire deux mots? Dire deux mots de la période des sommeils, évidemment, c'est montrer le Desnos que tout le monde connaît, enfin, auquel tout le monde se réfère, sans très bien savoir d'ailleurs ce qu'il était à ce moment-là, c'est-à-dire... un jeune homme explosif, passionné, désireux d'être à la pointe de ce qui se faisait sur le plan intellectuel et de la vie intellectuelle, et qui avait des dons, certainement, pour, disons, pour se laisser aller à tout ce qui était de l'ordre du spontané, de la parole irruptive. Et ça, il l'a fait sous le regard et auprès de l'oreille, à la fois passionné de certains de ses camarades, comme Breton, et ironique d'autres, comme Éluard ou Max Ernst, qui n'y croyaient pas trop. Donc, c'était quelqu'un qui était un inventeur, là, à ce moment-là, et je pense qu'il était un inventeur, comme il dit, pas mystificateur, au sens où il s'y lançait à corps perdu, et par conséquent, sans réserve, hein, sans arrière-pensée, même si tout au cours de la journée, avant ses séances de sommeil, il était capable de penser, hein, à l'avance à ses séances de sommeil. Mais au moment de ses séances, il se laissait aller pleinement. Est-ce que vous pourriez expliquer, Marie-Claire Dumas, en quoi consistaient les séances de sommeil ? Je ne suis pas sûr que tout le monde le sache. Oui, d'après ce qui en a été dit par les uns et les autres, c'est une expérience qui est démarrée à un moment sur l'initiative de René Crevel. Et puis, quelques-uns entrent dans cette expérience, c'est-à-dire comment, entre les médiums, sur la scène, disons, sur cette scène que constitue le groupe surréaliste, alors qu'il n'est pas encore appelé comme groupe surréaliste, mais ce sont les membres du groupe en 22. Et là, certains d'entre eux se laissent aller, comme Desnos, qui pourtant se déclarait réticent à l'expérience, et bien certains finalement se laissent aller à cette parole. Cette parole non préparée, apparemment, mais suscitée quand même par les membres du groupe. On pose des questions à Desnos, il y répond, il n'y répond pas, il y répond oralement, il y répond en tentant d'écrire des réponses et en manifestant par là une espèce de statut de la parole, de statut du langage qui ne serait pas dirigé par la conscience, mais dans un laisser-aller proche du laisser-aller de l'inconscient ou de ce qu'on essaie de faire, par exemple, dans les méthodes freudiennes d'analyse. C'est sûr que cette référence aux méthodes freudiennes porte son ombre ou porte son éclairage sur ces expériences. Desnos y croit, et je pense qu'il y croit vraiment, et il le fait à la fois comme il fait tout ce qu'il fait, passionnément, et aussi avec un certain sens du jeu. Minotaure. À manger son propre sang en tartine sur du pain, à boire l'eau de l'étang où les morts prennent leur bain, à prononcer des paroles nées de cœurs empoisonnés, à fréquenter les écoles des esprits emprisonnés, à marcher sur le chemin où l'on marche avec les mains, le Minotaure a vieilli loin des siens et du pays. Il va retrouver les sphinx, les licornes et les lynx, qui lui disent « il est tard ». Déjà l'on ferme l'enceinte, l'homme salera ton lard dans un coin du labyrinthe. Mugis encore si tu peux, Minotaure de rien, Minotaure de peu. La fourmi. Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi portant un char plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Hé, pourquoi pas ? Regardez. Il était une feuille. Après 3 mois passés que nous nous sommes quittés, à nouveau nous revoilà ensemble, et tout comme autrefois tu reviens dormir près de moi, et c'est bien le destin qui nous rassemble. De toi je peux pas me passer, toi tu ne peux m'oublier, et pourtant on ne peut pas dire qu'on s'aime, mais je crois avoir trouvé le mot de ce problème qui fait qu'on ne peut pas se quitter. Ouais, je trime du soir au matin et je te repasse toute ma galette. Et dans le fond, tu t'en fous bien que je sois grue ou femme honnête. Pouh. moi dans ce temps, la toi, tu files doux. Chez le bistrot, tu tires ta flemme. Si moi tu gagnes les gros sous, ça te permet de poisson tout un coup. Et c'est pour ça qu'on s'aime. Une fourmi parle en français, parle en latin et javanais, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Hé, pourquoi pas ? Regardez. Il était une feuille avec ses lignes. Ligne de vie, ligne de chance, ligne de cœur. Il était une branche au bout de la feuille. Ligne fourchue, signe de vie, signe de chance, signe de cœur. Il était un arbre au bout de la branche, un arbre digne de vie, digne de chance, digne de cœur, cœur gravé, percé, transpercé, un arbre que nul jamais ne vit. Il était des racines au bout de l'arbre, racines vigne de vie, vigne de chance, vigne de cœur. Au bout des racines, il était la terre tout court, la terre toute ronde, la terre toute seule au travers du ciel, la terre. À ce moment-là, je gagnais un peu d'argent en faisant des traductions pour une agence photographique liée au groupe Paris Soir. Et un jour, moi qui étais folle des surréalistes depuis l'âge de 14 ans, dans le groupe de journalistes qui venaient choisir des photos... Dominique de Santi. Il y avait un homme dont je ne voyais que les hublots. Il avait vraiment des hublots devant les yeux, ça me fascinait. Et on m'a dit, c'est Robert Desnos. Oh, c'est pas possible, enfin. On avait lu, évidemment, Corps et bien, on avait lu des choses de lui, et j'étais absolument éblouie, mais j'ai rien dit. Trois jours après, je revois Robert Desnos, qui ginait au coin de la rue Saint-Germain-l'Auxerrois et du boulevard Saint-Germain, dans une brocante, où il y avait un panier, vous savez, tout à un franc, tout à deux francs, je sais même pas si c'était un franc, c'était en 38, je ne me rappelle pas. Enfin, et il était en train de négocier, pour un franc, une petite porcelaine 1900 un peu ébréchée, etc. Et il a remporté la victoire et il m'a dit, oh, vous m'avez porté bonheur, allez, je vous offre à boire. Et nous sommes allés rue de Bussy où on a bu au comptoir. À ce moment-là, il y a eu les camelots du roi, les vendeurs de l'Action française, le journal royaliste, le journal du nationalisme intégral, qui était raciste, anti-étranger, antisémite, anti-gauche, tout, qui dévalait la rue de Bussy en criant « Achetez l'Action française !» Et Robert quitte le comptoir, se met devant eux, écrit « Garcia Lorca est déjà mort !» Qui sait ? Garcia Lorca, eh bien, c'est vous tous, c'est vous-même. Et c'était des vers qu'il avait écrits au moment de la mort de Lorca. Et là, la guerre d'Espagne, ils étaient déjà vaincus, les républicains. Et au miracle, les camelots du roi étaient d'humeur, je ne sais pas, ou débonnaire ou vagabonde, mais ils ont continué, ils ont tourné rue Grégoire de Tours, et Robert est revenu, et le bistrotier lui a dit « Hein, ça s'est mieux passé que la dernière fois, hein, monsieur Robert ?» Et il m'a raconté que ça s'était déjà produit, que Robert avait reçu un coup de poing dans le nez, et avait saigné tout ce qu'il avait pu. Donc j'étais renseignée dès la première rencontre que sortir avec Robert Desnos, ça comportait de grands délices car il racontait, mais aussi certains risques. Et ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que tout avec lui avait le ton du quotidien, c'est-à-dire que l'insolite, l'extraordinaire, l'extravagant, paraissait quotidien. Et un jour, il me dit, comme ça, « Je n'aime plus la rue Saint-Martin. » Et moi, j'étais prête à dire « Comment la rue Saint-Martin, la rue de votre enfance ?» Et il a continué depuis qu'André Platard est parti. C'est mon ami, c'est mon copain. Nous partagions la chambre et le pain. « Je n'aime plus rien, pas même le vin. Alors là, j'ai compris que c'était un poème. Je n'aime plus la rue Saint-Martin. Depuis qu'André Platard l'a quittée, je n'aime plus la rue Saint-Martin, je n'aime rien, pas même le vin. Je n'aime plus la rue Saint-Martin, depuis qu'André Platard l'a quittée. C'est mon ami, c'est mon copain. Nous partagions la chambre et le pain. Je n'aime plus la rue Saint-Martin. C'est mon ami, c'est mon copain. Il a disparu un matin. Ils l'ont emmené, on ne sait plus rien. On ne l'a plus revu dans la rue Saint-Martin. Pas la peine d'implorer les saints, Saint-Méry, Jacques, Gervais et Martin, pas même Valérien qui se cache sur la colline. Le temps passe, on ne sait rien. André Platard a quitté la rue Saint-Martin. On fait toujours de Desnos un poète surréaliste des années 20. Voilà, c'est ça la question. Oui. Ou un résistant. Ou un résistant. Oui. Mais bon, il a été les deux. Hein. Or déjà, il est quand même un des rares surréalistes qui ait écrit un sonnet à la poste d'hier. Tu télégraphieras que le printemps est mort avec les hirondelles. C'est quand même, c'est un poème des années 20. Oui. Et même pendant la période des sommeils, quand on lui demandait des poèmes, certains sont des sonnets. Il n'a jamais lâché le morceau. Ce qui énervait beaucoup Breton. Qui les avait lus aussi, les sonnets, mais qui pensait qu'en se tenant très loin et à l'abri de cette poussière du passé, on allait faire flamber la poésie complètement. Alors, que faut-il lire de Robert Desnos ? Question stupide, hein, mais enfin bon. Tout ? Tout, que c'est, faut-il... Que tout c'est pas de réponse. Que faut-il lire ? Oui, oui, mais, non, oui, mais oui, est... oui, si, si, tout, en particulier toute la poésie. Moi, je crois que c'est une excellente leçon pour quelqu'un qui s'initie à la poésie de prendre du premier livre. C'est pas une œuvre énorme. Hein. Desnos ne s'est pas perdu dans de longs poèmes. C'est très dense. Chaque fois, on y découvre la déconstruction, l'estime de la rhétorique et de la prosodie ancienne, parce que dès l'époque du surréalisme, quand même, il écrit des alexandrins avec une facilité extraordinaire, imitant Rimbaud, etc. Donc, et puis c'est quelqu'un qui imite Desnos. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a compris que pour atteindre la sincérité, l'expression de soi, mais il fallait se nourrir de toutes les voix du passé pour finir à arracher sa parole à l'époque uniquement. Il sait qu'il faut sortir de tout cela et être au-dessus du temps, rassemblant toutes les possibilités poétiques. Puis c'est quelqu'un en plus qui n'est jamais sectaire, n'est-ce pas ? C'est quand même quelqu'un qui, lorsqu'on lui disait quel est le poète français, le plus grand poète français du XXe siècle, il disait Paul Claudel, nom de Dieu. C'est quand même pas mal. Étant donné, il avait raison, d'ailleurs. Mais oui. Et étant donné tous les préjugés que le public souvent, porte vis-à-vis de Claudel. Desnos avait l'oreille, il savait que c'était là une des plus grandes poésies de notre temps. Et bien sûr, Desnos était parfaitement agnostique, athée, moi aussi, et nous nous en portons pas plus mal, mais avec une grande admiration pour Paul Claudel. Anne Aiguère, je vous vois dubitative. Non, parce que j'ai souvent lu Desnos critiquer Monsieur Claudel. Oui, oui, mais... Peut-être pas le poète, mais l'homme. Pas le poète, mais l'homme. Ça, c'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime. Sur la guerre d'Espagne, en particulier, Desnos ne pouvait pas être favorable à Claudel. Par contre, lorsque Claudel, en 42, écrit à l'archevêché pour demander des comptes sur la conduite de l'Église vis-à-vis des Juifs, il était certainement... dans l'estime de Claudel à ce moment-là. Mais Claudel était un poète réactionnaire, c'est vrai. Et il l'a dit. Il l'a dit, un homme réactionnaire. Oui. Et Desnos avait Je crois à l'époque où on montait le soulier de satin et Jean-Louis Barrault devait s'en occuper. Jean-Louis Barrault étant un très grand ami de Desnos, et Desnos l'engueulait en disant « Mais comment peux-tu travailler avec, avec ce monsieur ?» Ce qui a fait un sujet d'un débat impressionnant. Oui. Le tamanoir. Avez-vous vu le tamanoir ? Ciel bleu, ciel gris, ciel blanc, ciel noir. Avez-vous vu le tamanoir ? Aïe bleu, aïe gris, aïe blanc, aïe noir. Avez-vous vu le tamanoir ? Vin bleu, vin gris, vin blanc, vin noir. Je n'ai pas vu le tamanoir. Il est rentré dans son manoir et puis avec son été noir, il a coiffé tous les bourgeois. Il fait tout noir, Robert Desnos. Desnos, entre tous, quand il offrit de se joindre à nous, m'apparut comme l'homme de la situation. André Breton. Il avait alors 22 ans, j'en avais 26. De lui se dégageait une grande puissance de refus et d'attaque. En dissonance frappante avec le regard étrangement lointain, l'œil d'un bleu clair très voilé, de dormeur éveillé s'il en fut. Un peu à la manière de Petrus Borel, qu'il adorait, il est de ceux qui ont le plus contribué a donné au surréalisme son allure frénétique. Tous ceux qui ont assisté aux plongées journalières de Desnos dans ce qui était vraiment l'inconnu ont été emportés dans une sorte de vertige. Tous ont été suspendus à ce qu'ils pouvaient dire, à ce qu'ils pouvaient tracer fébrilement sur le papier. Je pense en particulier à ces jeux de mots d'un type lyrique tout à fait inédit qu'il fut longtemps en mesure de faire se succéder à un rythme tenant du prodige. Ces jeux de mots qui se donnaient pour le produit d'une communication télépathique avec Marcel Duchamp, alors à New York, Desnos les a réunis dans Corps et Bien sous le titre « Rose, c'est la vie ». Je parlais de prodige. Ce en quoi ce prodige a surtout consisté, c'est dans le pouvoir qu'a montré Desnos de se transporter à volonté instantanément des médiocrités de la vie courante en pleine zone d'illumination et d'effusion poétique. Je vais prendre ce titre, cet ouvrage auquel, coordonné par Henri-Claire Dumas, auquel vous avez travaillé, Pierre Lartigue, Le poète libre. Qu'est-ce que ça signifie, le poète libre ? Parce qu'il y a des poètes qui sont pas libres. Il est fait allusion, bien entendu, à la position politique de Desnos, qui a été toute sa vie quelqu'un qui a été un défenseur de la liberté à Cuba, en Espagne, pendant la guerre d'Espagne, n'est-ce pas ? Quand on lit les chansons de Robert Desnos, on voit que énormément de chansons sont consacrées à des motifs populaires, ont pour thème des motifs populaires, très engagés politiquement. Et puis les derniers poèmes sont très politiques, également allant jusqu'au recours à l'argot pour insulter Pierre Laval. Donc un homme qui n'a pas pu supporter la présence de l'occupant et la politique nazie en France. Quoi. Ça, c'est exemple. Et d'ailleurs, ça lui a coûté ce que nous savons, puisque Desnos est mort en Tchécoslovaquie des suites de mauvais traitements qu'il a reçus et de la déportation, en déportation. Alors, je pense qu'il mérite tout à fait l'adjectif libre à côté de poète. Et formellement, c'est-à-dire un de ceux qui a su, comme disait Heinegger, déconstruire la poésie, pour la reconstruire après, mais aussi quelqu'un qui politiquement a été très, très engagé au péril de sa vie. Vous savez, même lorsqu'il a collaboré au journal Aujourd'hui, qui était le journal de Janson. Au début, oui. Ah, au début. Janson a été viré... Très vite. Assez vite, oui, à partir du moment... Vous savez, Desnos cesse, en gros, on cesse de voir les articles en première place à partir du moment où il y a les annonces des fusillés sur le journal. Mais vous savez que c'est là qu'il sera Pour un article consacré à Louis-Ferdinand Céline, il sera dénoncé par Louis-Ferdinand Céline comme philo-youtre. En sachant ce que cette accusation signifiait dans la France de l'époque. J'ai toujours été étonné de l'indulgence que l'on a vis-à-vis de l'attitude politique de Louis-Ferdinand Céline, dont on diminue continuellement la responsabilité, alors qu'elle est énorme. J'en ai aucune, Pierre Lortig. Oui, mais non, mais je ne vous soupçonne pas du tout de ça. Ce qui n'empêche que c'est un homme qui a... Bon, n'en parlons pas. Si, parlons-en. C'est un homme qui a écrit un rôle. Honegger, vous qui avez écrit sa biographie, pouvez nous en parler. Oui, effectivement, c'est les rapports... mais Desnos, ça, c'est comment dire... ne mâchez pas ces mots pendant l'occupation. S'en est pris à tous les auteurs collaborationnistes ou fascistes ou fascisants, ou comme Céline, mais à l'époque aussi comme Henri Bordeaux et puis d'autres qui sont moins connus. Souvent, ces personnes ont répliqué par voie de presse, et donc l'accusant d'être un communiste, philo-youtre, qui aurait pu l'amener à être... arrêté plus tôt, mais ce ne sont pas ces accusations-là qui l'ont arrêté. L'arrestation vient plus tard. Parce que souvent, aujourd'hui, on entend des gens dire « Oui, c'est à cause de Céline qu'il a été arrêté. » Et non. Ça, c'est complètement faux. Non. C'est pas du tout vérifié. Non. Et puis, ça date de 40. Et puis, les dates ne correspondent pas. Ça date de 41. Mais dans le dossier, c'est... Ça a compté. Qui compte, quoi. La oui, réputation qui compte. Il est certain que ce n'est pas ceci qui a provoqué cela, mais que c'était des hommes de camps opposés, et l'un ne s'est pas privé de faire savoir publiquement, dans une lettre inscrite dans le journal par voie d'avoué, c'est une insulte à Robert Desnos. Voilà. Vous avez raison, ce n'est pas du tout ce mot de Céline qui a provoqué directement là. Oui, c'est quelque chose que j'ai entendu il y a un an à la télé, quelqu'un non, qui il, disait ça. Il faut être très précis. Hein. Ça suffit comme ça. Voilà. Le cas de Céline suffit par lui-même, on n'a pas besoin de... Non, c'est ridicule. Et j'ai fait des recherches aux Archives nationales pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'arrestation ou les causes de l'arrestation possibles. Il n'y a rien. Il n'y a pas de trace. Desnos disait qu'il n'avait pas été arrêté parce qu'il faisait de la résistance. Est-ce que parce qu'il cachait quelqu'un qui fuyait le STO? Est-ce que c'est une dénonciation? Est-ce que c'est Alain Lobreau? Tout ce qu'on sait, c'est qu'Alain Lobreau a empêché qu'il soit libéré. Ça, maintenant, c'est avéré. Et cet homme qui est mort en Espagne, dans les bras de Franco, là aussi, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Un journaliste de Je suis partout. Oui. Non, c'est ce que ça veut dire, Je suis partout, quand même. Oui. J'espère. On va peut-être le rappeler, quand même. Le pire des journaux de la période de la guerre. On peut pas faire pire. Hein. Je ne crois pas. J'ai lu des... J'ai retrouvé pas mal d'articles aux Archives nationales sur le sujet et c'est déplorable. Ça fait froid dans le dos, même aujourd'hui. Bien sûr. Mais là, on est face à une œuvre. Oui, et peut-être pourrais-je dire un mot de cette histoire du dernier poème pour enfoncer le clou. Il n'y a pas de dernier poème. Il n'y en a pas. Un âge à venir. Non. On est d'accord. Le dernier poème, pour l'heure, le seul que je connaisse, le dernier poème, c'est celui qu'il a écrit à Compiègne et que j'ai trouvé tout à fait par hasard à Compiègne. Et d'ailleurs que je trouve tellement plus émouvant que le prétendu dernier poème, puisque justement le dernier acte d'écriture de Robert Desnos, c'est un sonnet qui commence par « Tu, rose, c'est la vie hors de ses bornes d'air ». En un printemps en proie aux sueurs de l'amour. C'est-à-dire, toute l'expérience de Desnos, où Rose, c'est la vie, qui est le personnage qui ouvre la clé fabuleuse du langage au moment du surréalisme, se retrouve dans le coffret du sonnet. Et là aussi, c'est un poème qui témoigne de l'enfermement, de la lutte et de l'espoir de voir l'instant où le soleil refleurira les buissons. C'est donc ça le dernier poème, mais après connu. Le dernier poème connu, mais après bien sûr il y a eu les lettres à Yuki, mais nous n'avons pas trace de poème écrit là-bas. Or ça a été, n'est-ce pas, par Marie-Claire Dumas a dû bien raconter cette histoire-là, par cette transcription de traduction de Tchécoslovaquie en Suisse, une croyance qui s'est développée, puis même un mythe, et bien sûr comme tous les mythes, ça peut vous valoir l'inimitié des gens qui croient au mythe, parce qu'il n'y a rien, personne n'est plus féroce que le créateur, que le croyant, celui qui croit au mythe, n'est-ce pas ? Plus la chose est invraisemblable, plus elle suscite... C'est pas une croyance, Pierre Lartigue, c'est une créance. Et que voulez-vous établir comme différence entre croyance et créance ? La créance n'a rien à voir avec la religion. Ah oui. Eh bien, certes, je crois que c'est vous qui avez le bon mot. Je dirais désormais, il ne faut rien détruire alors à cette créance. Parfait. Je ne sais pas vous reprendre. Non, c'est pas ça. Mais c'est tout à fait naturel. Non, je le dis aussi dans le livre. Il n'y a pas de dernier poème. Il y a une dernière photo, très émouvante d'ailleurs. Mais il n'y a pas de dernier poème. La formule est texto dans le livre. Parce que c'est vrai que j'ai lu tous vos ouvrages et tous vos articles sur le sujet, qui m'ont beaucoup intéressé. Et je préfère aussi, on ne peut pas dire ça comme ça, mais le dernier poème de Compiègne est pour moi beaucoup plus parlant. C'est un sonnet. Printemps. Tu, rose, c'est la vie hors de ses bornes airs, dans un printemps en proie aux sueurs de l'amour. Au parfum de la rose éclose au mur des tours, à la fermentation des eaux et de la terre. Sanglant la rose au flanc, le danseur, corps de pierre, paraît sur le théâtre au milieu des labours. Un peuple de muets, d'aveugles et de sourds applaudira sa danse et sa mort printanière. C'est dit. Mais la parole inscrite dans la suie s'efface au gré des vents sous les doigts de la pluie. Pourtant nous l'entendons et lui obéissons. Au lavoir où l'eau coule, un nuage simule à la fois le savon, la tempête, et recule l'instant où le soleil fleurira les buissons. Et sur le manuscrit qui a été donné à un prisonnier de Compiègne, il y a dessous Desnos, 6, 4, 44, 19 rue Mazarine, Paris 6e, Danton, 63, 41. L'homme qui a perdu son ombre. À la croisée des chemins, ton ombre t'a fait de la main un adieu jusqu'à demain. Jusqu'à toujours, elle est partie, pour fonder parmi les orties, dans tes rêves, une dynastie. Il la retrouvera quand l'heure sonnera ou sans couleur. Le corps qui meurt perd sa chaleur. Mon ombre, elle est dans ma tête, bien enfoncée dans sa cachette. Mon ombre est sourde, aveugle et muette. Je suis ton ombre du matin, celle du jour à son déclin et de midi sur les jardins. Elle est aussi l'ombre de nuit, c'est elle qui tourne et le suit quand le réverbère s'allume et lui. Je suis environnée d'ombre, car il est l'ombre de son ombre, un ombre parmi les nombres. Le sang circule dans mes veines, je m'incarne et plein d'oxygène, mes poumons respirent sans peine. Je m'en vais parmi les vivants, je marche vers la lumière, et mon ombre n'est pas derrière, comme il se doit, elle est devant. J'entendais jadis une voix, elle se tait, et dans les bois, l'écho lui-même se tient quoi. Tu te dissous, et moi aussi, et notre mort sans autopsie ne laissera pas trace ici. J'entends l'orchestre de la fête, les chants et les cris du travail, aucun obstacle ne m'arrête, libre et vivant dans ma conquête. Car les muses sont illusoires, dont le cœur reste silencieux. Ce n'est pas dans les ciboires que le vin se boit le mieux. La vie est au cœur de la vie. Le sang qui chante sous la chair dessine la géographie du corps, du monde et du mystère. Rapport de l'astre et de la terre, rassurant témoignage, aimable compagnon, ombre flexible et jamais solitaire, c'est dans tes plis que nous dormirons. Tu ne souffriras pas, tu ne souffriras pas, tu ne souffriras pas. Tu ne souffriras tu ne souffriras pas, tu ne souffriras pas, tu ne souffriras pas. Poème à la mystérieuse. J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. Est-il encore temps d'atteindre ce corps vivant et de baiser sur cette bouche la naissance de la voix qui m'est chère? J'ai tant rêvé de toi que mes bras habitués en étreignant ton ombre à se croiser sur ma poitrine ne se plieraient pas, au contour de ton corps peut-être, et que devant l'apparence réelle de ce qui me hante et me gouverne depuis des jours et des années, je deviendrais une ombre sans doute, ô balance sentimentale. J'ai tant rêvé de toi qu'il n'est plus temps, sans doute, que je m'éveille. Je dors debout, le corps exposé à toutes les apparences de la vie et de l'amour, et que toi, la seule qui compte aujourd'hui pour moi, je pourrais moins toucher ton front et tes lèvres que les premières lèvres et le premier front venu. J'ai tant rêvé de toi, tant marché, parlé, couché avec ton fantôme, qu'il ne me reste plus peut-être, et pourtant qu'à être. Fantôme parmi les fantômes et plus ombre cent fois que l'ombre qui se promène et se promènera allègrement sur le cadran solaire de ta vie. J'ai pas la manière, j'ai jamais eu de veine, je me traîne, et je sens bien que ça n'ira jamais. Je connais que la misère, je suis seule sur la terre. Je l'ai pas fait exprès, non, mais j'ai pas su faire. Quand j'avais 15 ans, j'en voyais tout le temps autour de moi qui était heureuse. Reconnaissance à Robert Desnos par Mathieu Bénézé, avec Pierre Lartigue, Anne Eger, Marie-Claire Dumas. Lecture, Sarah Chemette. Archivina, Sophie Gillery. Coordination, Anne-Vanessa Prévost. Prise de son et mixage, l'excellente Marie-Dominique Bouveau. Réalisation, Anne Franchini. J'ai pas la manière, j'ai jamais eu de vœux. L'essentiel de l'œuvre de Robert Desnos est disponible aux éditions Gallimard. Le DVD Robert Desnos avec livret a été publié chez Seven Doc sous la direction de Marie-Claire Dumas. Le livre de Pierre Lartigue, Ross et la vie, etc. est publié aux éditions Le Passage. La biographie de Robert Desnos est disponible aux éditions Fayard. Ça vous méprise et ça se fiche des femmes dans la mouise. Mais j'ai ma fierté quand je les vois passer. Je me contente de leur chanter. J'ai pas su y faire, j'ai pas la manière. J'ai jamais eu de peine, je me traîne et je sens bien que ça n'ira jamais. Cette émission a été diffusée la première fois le 7 septembre 2007 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.